Le porte-parole de l'Association nationale des Coréens aux États-Unis a publié le 16 une déclaration contre les manœuvres des États-Unis, des fantoches sud-coréens et d'autres pays satellitaires contre notre République.